Novembre, c'est le mois des spéciaux chez Dolbo Auto. Le Colorado 2019 cabine multiple 0% 72 mois plus 1250 en crédit de financement. Ou encore, le Silverado 1500 2019 0% 72 mois plus 7000 en valeur totale. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, 276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous rappelle l'importance d'acheter local pour protéger nos emplois. On va parler des Alouettes de Montréal, les Alouettes qui ont perdu dimanche et ils sont en vacances actuellement, donc ils ont perdu contre les Eskimos de Edmonton. On parle avec, faire un peu le bilan avec le joueur défensif Enoch Mouamba. Bon après-midi Enoch. Bon après-midi Danny, merci beaucoup de m'avoir eu. Enoch, si on parlait un peu, ça a été quand même un match un petit peu décevant du côté des Alouettes, le résultat est décevant. Oui, ben absolument. Nous tous, on comptait bien emporter, on comptait bien gagner, puis jouer encore la prochaine semaine. Mais les choses se passent, et puis c'est pas arrivé. Mais à la fin de la journée, ce qui m'aide à dormir depuis ce match-là, c'est de juste faire un bilan, de regarder exactement de quel parcours on a pris, ah oui, d'où ça, on vient, et parce qu'on vient effectivement de très loin. OK, ben oui, c'est sûr de très loin. Il n'y a personne qui aurait prédit que les Alouettes allaient faire un match de demi-finale à Montréal. Là. Écoute, après la défaite contre les Tiger Cats à Hamilton, le deuxième match, on m'a dit « Oh, monsieur ». Mais donc, je veux revenir sur le match de dimanche, après ça, on va parler de la saison. Est-ce qu'il faut donner crédit à la ligne à l'attaque des Eskimos de Edmonton qui a réussi à bien protéger Trevor Harris? C'était ça la clé, hein? Ben moi je dis si les gens qui comprennent et qui comprennent vraiment le jeu, ils vont voir que c'était même pas aussi autant la ligne d'attaque. Ils ont une très bonne ligne d'attaque, mais ils n'ont pas dû vraiment travailler très fort, juste parce que la chose que Trevor Harris a fait qui était très bien, c'était que prenait la balle et puis ils s'en débarrassaient vraiment rapidement. Même si on avait un super héros, un Superman sur notre ligne défensive, ça aurait été difficile pour lui d'arriver jusqu'à Trevor. Et il a fait un bon travail, comme j'ai dit, de se débarrasser de la balle assez rapidement. Et c'est ça qui nous a quand même donné un peu de problèmes. Et quand on a fait des ajustements envers ça, c'était juste un petit peu trop tard. Ben, c'est à peu près vers la fin du troisième quart hein, que vous avez réussi à un petit peu à gêner un peu plus Trevor Harris. Hein? C'est ça. Oui, OK. Si on parlait un peu de la saison, c'était quand même une belle saison. Il hein. Faut donner crédit à Kerry Jones. De ce qu'on peut voir, ce gars-là donne l'impression aux joueurs de vouloir jouer pour lui. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Effectivement, Coach Curry, il a fait un très bon travail. Je dis toujours à tout le monde quand on me pose cette question-là à propos du succès qu'on a eu cette année comparé à l'année passée. Pour moi, c'est ma deuxième année avec l'équipe. Et quand j'ai signé avec cette équipe, bon, c'était un de mes buts de ramener cette équipe, cette ville à la gloire du passé. Alors, j'étais vraiment excité pour le challenge qui était devant. Et puis, je crois vraiment que la fondation du succès qu'on a eu cette année a commencé depuis l'année passée. On a commencé à une nouvelle culture, une nouvelle chimie qu'on a commencé depuis l'année passée, et même si on voyait pas exactement les résultats l'année passée, mais on est en train on a pu les voir cette année. Alors c'est quelque chose qui a commencé quand même depuis longtemps, et comme j'ai dit, on a pris un pas dans la bonne direction cette année, cette saison. Est-ce que le congédiement de Mike Sherman a été la différence là-dedans? Coach Curry, il a définitivement à améliorer l'environnement, l'atmosphère de l'équipe, l'atmosphère dans les vestiaires. La chose qu'il fait vraiment qui est très bien, c'est que il laisse les gars s'exprimer. Il laisse les gars être vraiment ceux qui sont. Et c'est ça qui vraiment qui aide. Quand t'as un coach qui non seulement croit en toi, mais qui te laisse voler et jouer de la façon dont tu veux. Et c'est ça vraiment qui a beaucoup plus aidé. Coach K, c'est quelqu'un qui qui est vraiment ouvert, un coach des joueurs, comme on dit. Une des choses qui m'a toujours impressionné avec lui, c'était la façon dont il coach et la façon dont il communique avec tout le monde. Je suis un des gars qui arrive d'habitude un peu tôt dans les vestiaires et tout. Et à chaque fois que je passe le bureau de Coach Corral, il est toujours ouvert. Toujours ouvert. Donc, n'importe qui a toujours est capable d'entrer, de parler, de poser des questions. C'est pas comme ça avec tous les coachs. Ça fait 9 ans que je joue professionnellement et je vis quand même plein de coachs et c'est vraiment quelque chose de très rare. Est-ce que c'est la nouvelle tendance, hein? Parce qu'au football, c'est l'autorité, c'est un petit peu un entraînement militaire. Mais là, est-ce que tu penses que Kerry Jones va amener cette nouvelle tendance-là? Ouais, absolument. Ouais. Le football a toujours été un sport vraiment très militaire, comme tu as dit, ouais. Dan. Mais c'est juste question de trouver la bonne balance entre être militaire, avoir de la discipline, avoir de règles, et et comprendre et connaître le genre de personnes qui forment l'équipe et le genre de joueurs que tu as. Et Koske, comme j'ai dit, il a fait un très bon travail. C'est pas que c'est toujours la fête dans nos vestiaires, c'est toujours on joue tout le temps ou on se rejoue tout le temps. Non, mais quand il est temps d'être sérieux et de se concentrer sur les choses qui sont importantes, il nous le dit et il nous le dit directement. Alors, il a fait un très bon travail, comme j'ai dit, de parler quand il doit parler et de laisser les gars s'exprimer quand les gars doivent le faire. Le dossier de la vente, c'est sûr que vous avez connu une très, très belle année. Est-ce que ça l'a embêté au moins un peu durant la saison où les joueurs se sont dit « on n'a pas de contrôle là-dessus, puis on va aller sur le terrain, on va faire ce qu'on a le contrôle? » Moi, je dis toujours que non. Okay. Ça nous a pas vraiment beaucoup affecté, comme on a vu. La raison pour laquelle on a pu avoir du succès, c'est parce que le noyau de cette équipe n'a vraiment jamais été trop bougé. Quand on parle je raconte toujours aux gens, au début, le premier jour de camp d'entraînement cette année, quand on était encore à McGill, le premier jour de camp d'entraînement, la personne que je voyais le plus, c'était mon coach de défense, coach Slowick. Oui, je voyais Coach Sherman, mais dans le football, comme ça fonctionne, c'est que au début de la journée, c'est pendant peut-être 5 à 10 minutes, on se retrouve en équipe entière. Sur l'attaque, la défense, et puis les unités spéciales sont tous ensemble. Ce sera pour 5 ou 10 minutes de plus. Après ces 5 à 10 minutes-là, tout le monde se disperse et chacun va partir avec leur coach de position. Donc moi, je voyais Coach Slowick presque toute la journée. Ouais. C'est lui que je voyais. Donc, après le départ de Coach Sherman, il n'y a pas grand-chose qui avait changé pour moi. Okay. Et puis, quand on parle aussi de l'attaque, c'était oui, on voyait l'attaque voyait Coach Sherman pour 5 à 10 minutes. Après ça, il partait à faire les réunions, les meetings avec Coach Kohari. Après, comme j'ai dit encore, après le départ de Coach Sherman, on parle de Vernon Adams, c'est quelqu'un qui voyait Coach Kohari tout le temps. Et il n'y avait rien qui avait changé après ça. Alors, on sait qu'il y avait eu beaucoup de changements qui se faisaient en dehors de l'équipe, ouais. Et même au niveau de l'entraînement en chef, mais il n'y avait pas eu de changements qui étaient trop, qui avaient trop dérangé le noyau de l'équipe. Et puis, c'est ça qui nous a aidé à se fortifier, à avoir une bonne chimie comme on a eu, et puis avoir le succès qu'on a eu cette année. J'ai des questions des auditeurs, Annick. Une question qui est très intéressante. Tu as fait des stages avec les Cowboys de Dallas et les Colts d'Indianapolis. Il y a une personne qui demande quelle est la plus grosse différence pour un secondaire comme toi qui évoluer dans la NFL versus la CFL. C'est la rapidité, la lecture de jeu. C'est quoi la grosse différence? C'était plus la lecture de jeu. La rapidité, c'est quelque chose qui vient avec, qui vient quand tu es le plus à l'aise que tu es, le plus rapide que tu peux jouer. Pour moi, c'est ça la plus grande différence. J'ai grandi au Canada, j'ai joué au Canada. C'est là où j'ai appris le jeu de football. Et pour moi, quand je suis parti aux États-Unis, c'était ça la chose la plus difficile pour moi, juste lire. Il y avait des choses qui étaient complètement différentes. Bien sûr, il y a des petits changements, il y a des petites choses qui sont différentes au niveau visuel et physique. Quand on parle de le terrain un peu petit aux États-Unis, la balle est un peu plus petite aux États-Unis, il n'y a pas un verge de distance entre la ligne offensive et la ligne défensive. Ça sont des choses qui sont bien sûr différentes, mais la lecture au niveau de juste comprendre comment une attaque veut battre une défense, c'était des choses que je devais vraiment me développer et je devais apprendre en allant de l'avant. Et comme je dis, il y avait des choses comme au Canada, il n'y a pas beaucoup de tight ends. Okay, et puis aux États-Unis, tout ce qu'on fait en défense, on doit d'abord identifier exactement où est-ce qu'il est placé, ce tight end-là. Et puis pour moi, ça a pris un peu de temps pour comprendre et pour voir exactement où il est et comment ça va affecter le jeu défensif. Mais j'avais quand même eu beaucoup de fun quand j'étais là-bas aussi. Enoch, dis-tu qu'un Américain qui arrive au Canada, qui regarde la Ligue canadienne de haut, il va se planter? J'ai eu plein de... Comme j'ai dit tantôt, c'est ma neuvième année professionnelle. J'ai joué plusieurs ici au Canada et puis quelques-unes aux États-Unis. J'ai vu plein de personnes qui, non seulement qui ont commencé aux États-Unis, qui sont venues au Canada et puis ils m'ont toujours dit que avant je pensais que ça serait facile quand j'allais venir au Canada, mais c'est vraiment un grand challenge, c'est vraiment quelque chose de difficile et puis j'apprécie ce match, ce jeu encore plus. Alors il y a beaucoup de respect pour plein de personnes qui viennent des États-Unis et puis comme j'ai dit, c'est question vraiment d'être à l'aise et puis il y a plein de gens qui viennent ici des États-Unis et puis ils se mettent à apprendre et puis ils se mettent à travailler fort et puis ils font une bonne carrière aussi ici. OK. Enoch, un gros merci. Merci pour la belle année que vous nous avez fait vivre avec les Alouettes. Moi, je vais te dire, ben, franchement, je pensais encore une fois au début de l'année, on disait ça va être une année encore misérable, mais je pense que ce qu'on peut voir, c'était une belle année. Vous nous avez donné de l'espoir, puis c'est ça qui est le principal. C'est ça que les partisans demandent, de l'espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça. Et puis, je suis vraiment très excité pour l'off-season, même si ça va être un peu long. Mais j'ai juste un petit projet que je suis en train de travailler dessus. Et puis, je suis excité de partager ça avec tout le monde dès que j'aurai fini avec les préparatifs. Rapidement, comment tu vois la suite des choses? Hamilton ou qui va gagner la Coupe Grey selon toi? Tu connais tout le monde un peu, là? Je connais tout le monde un petit peu. Tu connais toutes les équipes, tout le monde un petit peu, et puis... Qui tu vois, Hamilton? Je pense que Hamilton va avancer jusqu'à la Coupe Grey. Et je crois que ça va être Hamilton contre Saskatchewan. OK. Et Hamilton gagnant? Laisse-moi voir. Hamilton gagnant. C'est effectivement la bonne équipe. Enoch, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. D'accord, merci beaucoup. Le secondaire des Alouettes de Montréal, Enoch Mouamba.